بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نواصل أيها الإخوة والأخوات في شرح عمدة الأحكام ونكونتينيو تري شير فري سور dans l'explication de عمدة الأحكام ولا نزال في كتاب الصلاة ونكونتيني لو شابيتر de la prière Babu al-Jumu'ah, le sous-chapitre concernant al-Jumu'ah. L'auteur qui nous dit rahimahullah wa an Abi Hurairah radiyallahu anhu anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qala Man i'tasala yawm al-Jumu'ah ghusl al-janabati thumma raha fi as-sa'ati al-ula فكأنما قرب بدنه. Selon Abi Hurairah radiyallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui fait le ghusl, la douche le jour du vendredi, le même ghusl que pour la janaba, puis qui part durant la première heure, alors c'est comme s'il a donné en aumône un chameau. C'est comme s'il a donné en aumône un chameau. Et certains disent une chamelle. وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَكَرَةِ. Et celui qui y va à la deuxième heure, alors c'est comme si il a donné en aumône une vache. وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرًا. Et celui qui y va à la troisième heure, alors c'est comme s'il avait donné un bélier avec des cornes en aumône. وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ جَدَّجَاجَةً. Et celui qui y va durant la quatrième heure, alors c'est comme s'il a donné un poulet ou une poule en aumône. وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضًا. Et celui qui y va durant la cinquième heure, alors c'est comme s'il a donné un œuf en aumône. فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامِ حضرت الملائكة يستمعون الذكر. Et lorsque l'imam sort, alors les anges s'installent pour écouter le rappel. Le rappel, c'est-à-dire la khutbah. هذا الحديث أيها الإخوة والأخوات متعلق بأمر رأيناه في الدروس أو في دروس التفسير. Ce hadith, ô chers frères et sœurs, il est lié à un sujet que nous avons déjà abordé dans les cours de tafsir, d'exégèse. هو أن الناس يتفاوتون في أعمالهم. C'est que les gens se distinguent les uns les autres, ils se distinguent mutuellement dans leurs actes. Comme l'a dit Allah tabaraka wa ta'ala, إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى. Certes, vos agissements se distinguent. فكذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بتفاوت الناس في السعي إلى الجمعة حسب التبكير والتأخير. Et de la même façon, le prophète صلى الله عليه وسلم, il a informé dans ce hadith la distinction, la différence qu'il y a entre les gens le jour du vendredi en fonction du fait de venir tôt ou tard. فكلما بكر الإنسان إلى الجمعة حصل على الفضل المذكور في الحديث إلى أن يجلس الإمام. Et donc, à chaque fois que la personne va venir tôt, plus la personne va venir tôt, et plus donc cela va lui permettre d'accéder aux mérites qui ont été cités dans ce hadith, jusqu'à ce que l'imam s'assied, s'installe, comme cela a été cité dans une des narrations du hadith. فإذا جلس الإمام فإن الملائكة يطوون الصحف للاستماع إلى الخطبة. Et donc lorsque l'imam il s'installe, alors les anges ferment les parchemins pour écouter la khutba. وهذا يدلنا أيها الإخوة على أهمية هذه الخطبة فإن الملائكة تترك كتابة دخول الناس في المسجد للاستماع إلى هذه الخطبة. Et cela, ô chers frères, cela nous montre l'importance de cette khutba. L'importance de cette khutba que beaucoup de personnes délaissent aujourd'hui, que les gens n'écoutent pas. Ils viennent au dernier moment pour repartir les premiers et retourner au travail. Les gens sont plus concentrés dans leur travail. Argent, argent, argent. C'est ce qui nous importe. Et donc ces anges, ils arrêtent, ils délaissent le fait de noter les personnes qui viennent tôt ou tard pour écouter ce discours, pour écouter cette khutba de l'imam. فمن جاء بعد جلوس الإمام لا يحصل على شيء من هذا الفضل. Et donc celui qui vient après que l'imam se soit assis, il n'aura rien des mérites qui ont été cités dans ce hadith. ثم في هذا الحديث أهمية الغسل يوم الجمعة لأن المرء لا يحصل على الفضل المذكور إلا إذا اغتسل قبل الذهاب كما جاء في الحديث. Et aussi, ô chers frères, il y a dans ce hadith l'importance du fait de faire le rousl, se laver yawm al-jumu'ah, car l'individu ne peut atteindre les mérites qui ont été cités dans ce hadith que en faisant le rousl avant de partir, comme cela a été cité dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit man i'tasala yawm al-jumu'ah ghusl al-janabati thumma rah. Celui qui fait le rousl le jour du vendredi de la même façon qu'il fait le rousl de la janaba puis s'en va. Et la suite du hadith. ثم يؤخذ من الحديث استحباب التبكير الى المسجد كما ذكرته يوم الجمعه. Et ensuite, donc, dans ce hadith, on voit, comme je l'ai cité, le fait qu'il est recommandé de venir tôt. Il est recommandé de venir tôt à la prière le jour du vendredi. لكن العلماء اختلفوا في المراد بالساعات المذكورة في الحديث. Cependant, les savants, ils ont divergé. Qu'est-ce qui est voulu par les heures qui ont été citées dans le hadith ? Le prophète qui nous dit, celui qui vient à la première heure, c'est comme si il a donné en aumône un chameau. Celui qui vient à la deuxième heure, une vache, ainsi de suite. Et donc, qu'est-ce qui est voulu par la première, la deuxième, la troisième, la quatrième heure ? Qu'est-ce qui est voulu par là ? فنقل ابن حجر رحمه الله في الفتح عددا من أقوال أهل العلم في المسألة. Et donc Ibn Hajar rahimahullah, il a cité plusieurs des avis des gens de science dans ce sujet. On va juste en citer deux, biiznillah ta'ala. فقالت المالكية إن الساعات تبدأ بالزوال لأن المراد بالرواح هو التهجير. Et donc المالكية, ils disent que ce qui est voulu par الساعات, les heures, c'est donc c'est un moment qui commence à partir de Az-Zawal, le déclin du soleil. À partir du déclin du soleil, à ce moment-là, ces heures-là commencent. Ça ne commence pas tôt, ça commence à partir du déclin du soleil. لأن المراد بالرواح هو التهجير. Car ils disent ce qui est voulu par le mot ar-rawah, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a utilisé le verbe thumaraha, puis il part. Mais là, on a déjà vu que dans la langue arabe, les mots ont des significations précises. Et donc là, ils nous disent le verbe raha, ça veut dire partir au moment de tahjir. Attendez, je vais vous expliquer c'est quoi tardir. Ne vous inquiétez pas. Et donc, ils nous disent, le verbe raha, utilisé par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire partir pendant ce moment-là, c'est-à-dire en fin de matinée, après le déclin du soleil. Après que le soleil commence donc à pencher. Et donc, de l'autre côté, c'est-à-dire ce qu'on appelle el-hajira. El-hajira, c'est le moment où il fait le plus chaud dans la journée. On l'a déjà vu dans les hadiths. El-hajira, en arabe, c'est le moment de la journée où il fait le plus chaud. Et donc, mais où est-ce que les savants, ils ont pris, donc les savants al-Malikiya, où ont-ils pris le fait que raha, le verbe utilisé dans le hadith d'aujourd'hui, il signifie donc le fait de partir bil-hajira, le moment où il fait le plus chaud de la journée. Où ont-ils pris ça? Tout simplement parce qu'il y a une autre narration du hadith, où il est stipulé que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Methalul muhajir. Methalul muhajir. Keman karraba badana. L'exemple du muhajir. Et donc là, on a le terme muhajir qui vient de tahjir. Et donc l'exemple du muhajir est comme celui qui a donné un chameau en aumône. Et donc ils ont dit, voilà, ici on a l'exemple, on a ici l'explication du terme raha. Raha qui signifie donc at-tahjir. Et at-tahjir, c'est quoi? C'est lié à el-hajira. El-hajira, c'est le moment le plus chaud de la journée. Et donc, ces heures-là commencent à partir donc du zawal, du déclin du soleil. Idan, عند المالكية هذه الساعات أوقات يسيرة إلى أن يجلس الإمام. Et donc, chez les savants malikites, ce qui est voulu par ces heures citées dans ce hadith, ce sont des heures qui sont très courtes. C'est pas une heure, ce sont des instants, des moments qui sont très courts, à partir du déclin du soleil jusqu'à ce que l'imam il s'installe. Et donc, ça peut être très court, très très court. Voilà la vie de Al-Malikiya. Al-Qawlu Thani wa dhakara ba'du ahlul ilmi innahu qawl al-jumhur. Le deuxième avis, et certains gens de science, ils disent que c'est l'avis de Al-Jumhur. Et d'ailleurs, Ibn Hajar, rahimahullah, lorsqu'il a cité l'avis d'Al-Malikiya, il a dit que, donc Al-Malikiya, eux, infaradu, c'est-à-dire que ils ont délaissé l'avis de la majorité. Et donc l'avis de la majorité, quel est l'avis de la majorité? Wa huwa anna al-murad bis-sa'at ay hadhihi as-sa'at tabda'u bitulu' ash-shams. Et donc le deuxième avis, c'est que ces heures, ces moments-là, la première heure, la deuxième heure, la troisième, ces heures-là, elles commencent à partir du lever du soleil jusqu'à ce que l'imam s'installe. Et donc là, c'est beaucoup plus long. Là, c'est beaucoup, beaucoup plus long. C'est-à-dire que pour venir, pour pouvoir bénéficier des mérites qui sont cités dans le hadith, il faut venir beaucoup plus tôt. Il faut venir beaucoup plus tôt. Ça commence donc la première heure à partir du lever du soleil. Wa hadha al-qawl huwa as-sahih inshallah ta'ala. لأن المراد بالرواح هو الذهاب من أول النهار. Et en fait, et cet avis, le deuxième avis que j'ai cité, c'est l'avis le plus juste, inshallah ta'ala. Pourquoi? Parce que ce qui est voulu par ar-rawah, donc le verbe qui a été utilisé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, thumma rah, et donc puis il part. Ce qui est voulu par là, c'est le fait de partir en début de journée. C'est le fait de partir en début de journée. C'est ce qui est voulu par ce verbe, comme l'ont cité beaucoup de gens de science. وَذِكْرُ التَّهْجِيرِ يُؤَيِّدُ ذَلِكَ. Et le fait de citer, vous vous rappelez tout à l'heure, j'ai cité le terme التَّهْجِير. Et on a vu que Al-Malikiya, ils nous ont dit que التَّهْجِير, c'est en fin de matinée, le moment où il fait le plus chaud. Et là maintenant, je vais vous dire non, التَّهْجِير, ça appuie le fait que le temps commence en début de matinée. Vous allez me dire, mais Abdelkarim, tu es en train de nous perdre là, on ne suit plus. On n'arrive plus à suivre. Alors, je vais répéter rapidement, inshallah ta'ala, et ensuite on va contredire la parole des Malikiyas, inshallah ta'ala. Donc, El Malikiyas, ils nous ont dit que ce qui est voulu par le verbe raha, c'est le fait de partir, mais c'est en fin de matinée. Pourquoi ? Parce qu'il y a un autre hadith qui cite El Muhajir. À la place du verbe raha, c'est cité El Muhajir. C'est comme s'il a donc donné un chameau en aumône. Et donc là, on a le terme El Muhajir qui a été cité à la place de Rah. Fissa'atil Oula. Et donc, qui a été cité à la place de Raha à la première heure. Ils nous disent El Muhajir, ça vient du terme Et-Tahjir. Et Et-Tahjir, ça vient du mot El-Hajira. El-Hajira, c'est le moment où il fait le plus chaud de la journée. Maintenant, quelle est l'explication de l'Jumhur? Quelle est l'explication de l'Jumhur par rapport à ça? Comment ils vont répondre à ça? Ils nous disent التهجير هو التبكير في الأعمال. Ils nous disent le terme التهجير, ça ne veut pas dire accomplir ou venir au moment de l'Hajira, au moment où il fait chaud. On est d'accord sur le fait que le terme الهاجرة, c'est le moment le plus chaud de la journée. Là-dessus, on est d'accord. الهاجرة, c'est le moment le plus chaud de la journée. Maintenant, التهجير. Est-ce que التهجير, ça veut forcément dire venir au moment le plus chaud de la journée? Non. Ils nous disent, التهجير, ce qui est voulu par là, c'est le fait de venir tôt. Pourquoi? جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في التهجير لاستبقوا إليه. Il a été cité dans le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Si les gens savaient ce qu'il y a dans At-Tahjir » Là, le prophète, il parlait de la salat. La salat, le fait de venir tôt à la prière. « Si les gens savaient ce qu'il y a dans le Tahjir, ils se seraient concurrencés en cela. » Si les gens savaient ce qu'il y a dans le fait de venir tôt à la prière, ils se seraient concurrencés en cela. Et là, il a utilisé le prophète sallallahu alayhi wa sallam le terme At-Tahjir. Et donc, ce qui est voulu par At-Tahjir, c'est le fait de venir tôt. C'est le fait de venir tôt. Lida, قال ابن الأثير رحمه الله في النهاية إن المهجر هو المبكر. C'est pour ça qu'Ibn al-Athir رحمه الله, dans son dictionnaire Ibn al-Athir, qui a écrit un livre très important, Al-Nihaya fi Gharib al-Hadith, et donc le livre Al-Nihaya, pour expliquer les mots difficiles dans le Hadith. Et donc cet homme ce livre fait partie des références dans la langue, la compréhension des Ahadith. Il nous dit ici, Ibn al-Athir, rahimahullah, que Al-Muhajjir, le terme « al-muhajjir » qui a été cité dans le hadith utilisé par le Malikiya, le terme « al-muhajjir », ce qui est voulu par là, c'est celui qui vient tôt. Et donc ici dans le dictionnaire, « al-muhajjir », celui qui vient tôt. Ce n'est pas celui qui vient après le déclin du soleil. Et donc la vie le plus juste, inshallah ta'ala, c'est que ces moments, ce qui est voulu par les différents moments cités dans ce hadith, ce sont des moments qui commencent à partir du lever du soleil jusqu'à ce que l'imam s'installe. طيب وفي الحديث أنه لا يستهان بشيء من الأعمال أي من أعمال الخير. Il y a dans ce hadith un dernier point, les frères, un dernier point que je vais citer. C'est que nous ne devons pas minimiser, quoi que ce soit parmi les actes du bien. Quoi que ce soit comme bonne action, tu ne dois pas les minimiser. Pourquoi ? لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ذَكَرَ لَنَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَنْ كَانَ كَمَنْ قَرَّبَ دَجَاجَةً وَكَمَنْ قَرَّبَ بَيْضَةً. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a cité dans ce hadith, celui qui est comme l'individu qui a donné une poule en aumône, et celui qui est comme l'individu qui a donné un œuf en aumône. Le prophète, il l'a cité, sallallahu alayhi wa sallam. C'est que ça a son importance. Beaucoup de gens vont se dire, mais qu'est-ce que je vais donner à un œuf? Autant ne rien donner. Autant ne rien donner. J'ai un œuf à la maison, mais je ne vais pas donner un œuf à mon voisin. Autant ne rien donner. Subhanallah. Tu ne sais pas si cet œuf que tu vas donner en aumône, c'est pas cet œuf qui va être la cause que tu rentres au paradis. Il ne faut pas minimiser les actes de bien. Les actes de bien, quand on demande aux frères, venez aider pour la mosquée. Venez aider pour nettoyer. Venez aider pour ça. Venez aider les frères pour une association, pour faire du bien. Il ne faut pas minimiser le khair. Il ne faut pas minimiser le bien. Rappelez-vous la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ittaqun nar walau bi shiqqi tamra. Craignez le feu. Craignez le feu, protégez-vous du feu, ne serait-ce qu'avec une moitié de date. Allahu Akbar, il n'a pas cité une date. C'est pas une date que tu donnes en aumône, il a cité une moitié de date. Une moitié. Il ne faut pas minimiser le bien. Tu ne sais pas, cette moitié de date, il se peut que ce soit elle qui te fasse rentrer au paradis. Tu ne sais pas le nombre de péchés que tu fais par jour. Combien de bonnes actions tu as besoin de faire? Combien d'aumônes tu as besoin de faire? Il faut qu'on arrête de minimiser les actes de bien. À chaque fois, c'est une sunna, c'est pas obligatoire. À chaque fois qu'on apprend là dans ces cours de hadith, on apprend les jugements, ça c'est sunna, ça c'est obligatoire. On avait dit la dernière fois, el rusl, laysa biwajib. On a dit le rusl, il n'est pas obligatoire. Est-ce que ça veut dire que tu es chez toi, tu dis, ma'ali, c'est bon, je fais pas le rusl. Allez. C'est bon, je fais pas le rousse. C'est bon, tu fais pas le rousse. Et tu ne vas pas, donc, avoir ses mérites. Tu fais pas le rousse. Alors que, si tu avais fait le rousse, tu aurais pu atteindre cette récompense citée dans ce hadith. Et donc, quand on apprend que quelque chose c'est sunna et que c'est pas obligatoire, c'est pas pour dire, ah, je peux délaisser. On apprend cela, c'est pour que tu saches que si tu ne l'as pas fait, si un jour il t'est arrivé quelque chose que tu n'as pas pu le faire, tu n'as pas fait de péché. Tu n'as pas fait de péché. Tu n'as pas rattrapé ou des choses comme ça. Mais c'est pas pour dire, ah c'est sunna, c'est bon je fais pas. Certaines personnes à chaque fois, c'est sunna je fais pas, c'est sunna je fais pas, ça c'est sunna, ça c'est sunna, ça c'est sunna. Toutes les sunnan on fait pas. Et bien au final, ben après on fait rien. Il faut arrêter de minimiser le bien. Rappelez-vous la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Celui qui accomplit ne serait-ce que le poids d'un atome de bien, il le verra. Et celui qui accomplit ne serait-ce que le poids d'un atome de mal, il le verra. Il le trouvera, Yawm al-Qiyam. Donc là, c'est même pas une date encore. Là, c'est moins que la moitié d'une date. Le poids d'un atome de bien. Tu le trouveras, Yawm al-Qiyam, auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc, il ne faut pas minimiser les actes de bien. Barakallahu fikum. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder la réussite. Il est capable de toutes choses. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.